بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as اليافعي رحمة الله عليه. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 11. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ماذا أخذنا أمس في درسنا في المصطلح تفضل أخذنا المعنعن الحديث المعنعن ما معنى الحديث المعنعن أي كل ما روي في سند بلفظ عن بلفظ عن ما روي بلفظ عن فماذا قلنا في هذا الحديث ما حكمه؟ حكمه يختار يعني بعد يعني ينظر بعد الشروط وهي ثلاثة أي قول الجمهور أنه لمتصل بثلاثة شروط تفضل الأول العدالة عدالة من؟ عدالة الراوي وهذا واضح لأنه سيسان ضعيف ولو يجي سمعت ولو يجي حدثني إلي ضعيف أصلا سمو قول المحدثون إلا أكسبتوا أولا الراوي كيجي عن من العدول هذا أولا ثانيا سلامة الراوي من التدليس نعم سلامة الراوي من التدليس وسيأتي معنا ندي إن شاء الله الإكسبليكاسيون دو سيت مسألة مسألة التدليس أكثر لكن أمس أنا في أن بغف résumé. لماذا سلامته من التدليس؟ لأن قد يكون يعني الراوي يبروتج يعني الضعيف. نعم. On avait donné un exemple من التدليس. ربما il a jamais rencontré هذا الشيخ qui rapporte عنه. Il dit عن قتادة رحمة الله عليه من أئمة السنة. Il est معروف في التدليس. أمس on avait un exemple في صحيح مسلم. الإسناد الأول قال le bab qu'on a vu ams fi dar sahih muslim ma cheikh fath wafaqahu allah bab al ma'mum aw nahy al ma'mum an jahrihi bil qira'ah ay kitab al salah qala hadathana sa'id ibn mansur wa qutaybah ibn sa'id kilahuma an abi awana qala sa'id des deux an abi awana thumma il continue l'isnad de sa'id lana ya الآن الإمام مسلم il a pris de deux de سعيد et de قتيبة les deux عن أبي عوانة ثم سعيد أي ابن منصور قال il continue l'islam من جهة سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة il est معنعن أبو عوانة معروف يا أكام problème هنا عن زرارة ابن أوفة قتادة il est معروف بالتدليس كذلك أمس ونبي فائدة في درس صحيح مسلم كذلك pour connaître المدلسين il y a un kitab معروف c'est l'asl طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر et dans ce livre à la fin الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه rapporte la parole de شعبة ابن الحجاج رحمه الله الإمام كفيتم تدليس تلا et منهم قتادة لأن quand شعبة il rapporte عن قتادة et قتادة il dit عن c'est قتادة il a vraiment entendu لأن شعبة il a suivi les hadiths de قتادة et les hadiths où il y avait des problèmes, il ne les a pas rapportés. Il a rapporté que l'authentique annahu yanittisal. Amma huna, on n'a pas shu'ba. Donc fa'ida, si tu as une an'ana min qatada et avant lui tu as shu'ba, le hadith il est sahih. On revient à notre exemple. Qala haddathana Abu Awana an qatada an zurara. L'imam muslim c'est un imam. Il fait le hadith. Et il sait très bien que qatada, il fait du tadlis. Et il sait très bien les shorot qu'on vient de citer. Salamatul Rawi min al-Tadlis. Pourquoi il a mis ce hadith fi sahih? Il y en a juste après, il cite un deuxième hadith avec une deuxième chaîne de transmission. Qal. Haddathana, deuxième chaîne de transmission. Haddathana Muhammad ibn al-Muthanna. Ou Muhammad ibn al-Bashar. Deux imams, ils sont connus. Al-imam muslim yukthir anhum. Qal. Aïe les deux. Haddathana Muhammad ibn Ja'far. Ce isnad il est connu. Muhammad ibn al-Muthanna ou Muhammad ibn al-Bashar. قال حدثنا محمد بن جعفر. Souvent ces trois noms se suivent. Les deux rapportent عن محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة. Il sait très bien que شعبة, il a vérifié tous les hadiths de Qatada, il a rapporté que المتصل. قال عن قتادة. ثم يرنفس قال سمعت زرارة. الآن شعبة, il a pris le hadith de Qatada et dans le deuxième, il n'y a plus عن. Il n'y a plus عن. بل سمعت. Donc tu comprends que le premier فيه عن. Pourtant, c'est un modèle, mais la deuxième chaîne de transmission, elle montre que Qatada, il a entendu ce hadith directement. C'est pour ça que dans la deuxième riwaya, il a dit Sami'tu. Ça, c'est une faïda, ça te montre, dans l'isnad, tu peux avoir un modèle, ici, di'an, t'es pas dans les shurut, mais avec une deuxième riwaya, tu peux trouver que ce rawi, il a sarrah, bisama'. Son hadith, il a accepté. Il y en a Qatada, c'est un fiqh, c'est un imam. Hala, ça, c'était l'exemple d'hier. Qala l'imam al-Nawawi fi sharh qawluhu an Qatada, an Zurara. قال وفي الرواية الثانية عن قتادة قال سمعت زرارة. الإمام النووي compare les deux pour te montrer que قتادة est معروف بالتدليس. Une personne elle peut se demander لماذا l'imam مسلم il a rapporté alors que c'est un modèle c'est dit عن. On n'est plus dans les شروط. La deuxième riwaya elle te clarifie. قال عن قتادة قال سمعت. Ça c'est la deuxième riwaya. قال فيه فائدة وهي أن قتادة رحمه الله تعالى مدلس. وقد قال في الرواية الأولى عن. Est-ce qu'on est dans les شروط jusqu'à ici مدلس وقال في الرواية عن. On est dans les شروط؟ لا. On n'est pas dans les شروط. لأن مدلس il dit عن. Et on a dit سلامة الراوي من التدليس. فالآن on n'est plus dans les شروط. لكن قال والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه. مدلس tu peux pas prendre sa riwaya sauf si tu es sûr qu'il a entendu. Alors la première riwaya on n'est pas sûr. قال عن. لكن avec la deuxième riwaya c'est واضح. قال وقد قال في الرواية الأولى عن والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث ممن عنعن عنه في طريق آخر. Ça te montre l'importance de rassembler les طرق pour faire un حكم على حديث. Amma wahad ma balouk, là où il s'arrête au premier, la première riwaya, et il commence à antaqad. C'est grave. Là, ne te précipite jamais. Khassa dans le sahih muslim, lit tout le bab. Il y en a l'imam muslim, ta'alamun, l'un tariqa, il cite un hadith, le premier, tomba il cite des turuq. Voilà, t'as donné un an où il a cité des turuq, hakada. Ahayana nous a remarqué, on lit robama 10 isnad. C'est le même hadith. 10 isnad, il y a des fawaid. Imma le matin, il y a une faïda, il y a un rajout. Imma, il y a une faïda fil isnad, mit la huna. Le amal des muhaddithin, que ce soit l'imam Bukhari, ou l'imam Muslim, ou l'imam Abu Dawud, ou tous les imams qui ont écrit via hada al-bab, al-azim, il y a une faïda. Il y a une faïda, lakin, pour celui qui comprend. Amal jahil, robama, il ne comprend pas. Hatta ba'd al-juhal, robama, il ne comprend pas l'importance de l'isnan. Il n'a pas d'ain via hada al-bab. Qala, والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث ممن عنعن عنه في طريق آخر وقد سبق التنبيه على هذا في مواطن كثيرة والله أعلم. نعم. Donc il y a aucun problème. La deuxième riwaya montre هذا. قتادة il est من المدلسين المعروفين. هذا c'est un exemple pour appliquer les شروط. Troisième شرط après سلامة الراوي. لقاء الراوي لمن روى عنه. نعم. أما سوغ لقاء الراوي لقاء من لقاء الراوي لمن روى عنه بيان سوغ بالعنعنة. هذا شرط البخاري. كيس كيف البخاري بغى اللقاء السماع مسلم إلى قول ديفيرون. ما هو طول التخوازم شرط يمكن يمكن اللقاء يمكن اللقاء. Et pour lui le شرط c'est le معاصرة. معاصرة et ils sont de la même époque. Il y en a s'ils sont pas de la même époque il a pas pu le rencontrer. Il y aura un سقط entre les deux. Enfin les mêmes muslims relatent. Amma ils sont de la même époque. C'est des فقات. Et il y a eu une possibilité qu'ils se rencontrent. Il accepte. Et tout ça inshallah on a dit que vous verrez dans les prochains livres. هذا الباب il est مهم. العنعنة il est مهم. كثير من علل الأحاديث من هذا الباب. دوزم قسم كنا في ما هو؟ مبهم. ما هو المبهم؟ المجهول عن ال في الإسناد أو في المتن. ما أبهم في الإسناد أو في المتن؟ مثال في الإسناد؟ مثال في الإسناد أن يروي إلى يعني رجل لا يعرف اسمه. ما مثال؟ مثلا حدث فلان عن رجل. عن رجل. عن رجل. نعم حدثنا مثلا سعيد عن رجل مبهم. مثال في المد؟ نعم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل إلى مبهم. ما الحكم في الإسناد؟ الإبهام في الإسناد ما حكمه؟ الإبهام في الإسناد آخر بداية الإسناد وتسليك ووسط الإسناد ضعيف وآخر الإسناد لا يضر لأنه الصحابة. نعم أي إذا كان الإبهام في طبقة الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، وإذا كان الإبهام في غير طبقة الصحابة فصف جمال إسناد. هل نحكم بالحديث بالضعف عندك؟ يعني ننظر لو نجد فيه طرق أخرى. أحسنت. On regarde les طرق. On fait des recherches. Et si vraiment on trouve pas et العلماء حكموا عليه بالضعف ils ont pas trouvé. لأن نحن la recherche elle peut être ضعيفة. Tu reviens à أهل العلم. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Bukhari? Qu'est-ce qu'il dit l'imam Muslim? Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ahmed? Qu'est-ce qu'il dit l'imam Daraqutni? Qu'est-ce qu'il dit l'Hafid? Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Dhahabi? هؤلاء. هؤلاء ils ont été là. Ouais, tu trouveras des nosous. Si vraiment il est moubham et personne n'a trouvé ce qui, alors chacun n'a le hadith, il est daif. Ou al-ibham fil matn, ma hukmo? Hein? La yadur. La yadur. La yadur. Limada la yadur? لأن لو كان لقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكون صحابة. نعم لأن المتن حديث مرفوع إلى عن كنت النبي صلى الله عليه وسلم فلا لا يضر ولو سبان صحابي ولو سبان صحابي سيسان كافر مثلا كافر يدمون دو بخفة صلى الله عليه وسلم شيء ساشان غير الحديث اللي صحيح لأن لاشن دو ترانسميسيون اللي بون المتن. Si c'est un Mubam ou une personne qui est connue, ça ne change rien au hukm du hadith. Matalan Mushrik, il a parlé avec Nabi alayhi salam. Est-ce que ça fait du mal? On va dire, il y a un Ibham, on n'accepte pas le hadith. Peut-être. La qissa, le sahiha, la qissa, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec un Mushrik. Ah, la yadur. Fa'ida Ams, on voulait la citer, on a oublié. Et on la cite aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Al-Farqu bayna al-Mubham wa al-Muhmal. Dakara hadi al-Fa'ida, al-Akh Turki, dans son charh. هذا الباب باب المعنعن والمبهم tout à la fin juste avant le nouveau chapitre qu'on va lire aujourd'hui العالي والنازل. قال الفرق بين المبهم والمهمل. المبهم تقدم أمس. الآن يسكن بل المهمل في الحقيقة ستغسهم. قال المبهم لم يذكر له اسم كما سبق تفصيله. المبهم le nom il est pas cité أصلا. عن رجل عن امرأة عن شيخ حدثني ثقة. Tout ça n'a pas d'ism. C'est le مبهم. Il faut voir ce qui. قال والمهمل يذكر اسمه مع الاشتباه. فيقول البخاري مثلا حدثنا محمد. Il n'est pas مبهم. لكن c'est pas واضح. محمد qui? Il y a beaucoup de محمد. محمد ابن المثنى. محمد ابن جعفر. Il y a محمد ابن يحيى الذهلي. Il y en a beaucoup de محمد. Et vous verrez que quand l'imam Bukhari dit Muhammad, il veut quelqu'un de précis. Et à force la lecture, tu comprendras. قال فهذا مهمل يحتاج إلى معرفة أبيه ونسبه. هذا المهمل, tu dois faire des recherches, c'est qui. لا تستعجل, tu dis on ne sait pas c'est qui, et t'as un حكم. لا. قال فهذا مهمل يحتاج إلى معرفة أبيه ونسبه حتى نعرف من هو لكي لا يشتبه بغيره. أما si c'est من البخاري, si c'est في صحيح البخاري, فتعلمون أن رجال البخاري كما قالوا تجاوزوا القنطرة. Ce que l'imam al-Bukhari l'a cité dans Sahih. Tu dois connaître ce qui, bien sûr, c'est des fawaïd, حتى لا يشتبه عليك. أما من حيث الصحة والضعف. الأصل, c'est que c'est des fiqat. خاصة si tu as compris son شرط. Ou ces trois شروط. Les شروط de Bukhari, elles ne sont pas sahles. Ceux qui l'a cité dans Sahih, العلماء, ils les ont acceptés. لكن connaître ce qui, طيب, حتى لا يشتبه عليك. Si c'est en dehors de Bukhari ou en dehors de Sahih Muslim, كذلك, tu fais des recherches. Tu peux trouver هذا. Sahih ou في سنن أبي داود, في سنن الترمذي, حدثنا محمد ou حدثنا un nom. هكذا. Il n'y a pas le père, il n'y a pas de kunya, qu'un prénom. هذا, fais des recherches. حتى, tu peux appliquer les shurut de الصحة والحسن qu'on a vu au début. حتى تعرف أصابه إسك الحديث اللي ثابت أم لا. المهم المهمل يا لنو لكن il y a pas le nom de son père, il y a pas de nisba. Hatta là, je peux te dire maintenant, je te dis, un frère m'a informé. C'est Mubham ou Muhmal? Mubham. Mubham, Hassan. Akhun. On ne sait pas c'est qui. Akh, il y en a plusieurs. Haddatani Saïd. Rubama, tu connais trois Saïd. Muhmal. Tu vas me demander lequel? C'est pas Mubham, il y en a un nom, lakin c'est lequel? Hada Muhmal. Tu es obligé de savoir c'est qui. Quel Saïd? Il peut avoir un Saïd, c'est un menteur. Un Saïd, c'est un thiqa. Et un Saïd, des fois il faiblit, des fois son khabar il est taïb, muhim, il faut se t'akkad. Donc c'est ça la différence entre le muhmal ou le mubham. On avait un exemple, fi dars ams kadhalik, durus fath al-qadasi avidahullah, il y a beaucoup de fawaid. Enfin, ces durus, ils sont importants. L'yannahoua, il a des années fil ilm, il a fait des efforts. Et il t'emmène beaucoup خلاصه ce qu'il a vécu le bahth le ta'b il t'emmène une خلاصه طيبه خاصه sa manière d'expliquer elle est jayida jiddan. Hier il a cité un exemple في هذا تذكرون المهمل سفيان quand il a demandé c'est qui c'est من باب المهمل قال سفيان est-ce que c'est ابن عيينه est-ce que c'est الثوري الحقيقه quand c'est سفيان خاصه في الصحيح او في الصحيحين c'est اما en général اما الثوري اما ابن عيينه. Et les deux, c'est des a'imma. T'as pas de problème, min hayth al-hukm ala al-hadith. C'est des a'imma, lakin, c'est bien de savoir. T'as des fawa'id. Qadiqul qa'il, comment savoir? Par rapport au shuyukh, c'est qui son shir. Sa tabaqa, c'est qui a rapporté de lui. T'as des kutub fi hada. T'as des kutub fi hada. Matalan Sufyan an Amr, Amr ibn Dinar, c'est forcément ibn Uyayna. C'est son shir, Amr. Hada, tu reconnais hakada. Kadalik avec les autres turq. Tu peux avoir dans Isnad Sufyan et tu peux avoir dans un deuxième, il y a son nom, Sufyan ibn Uyayna. Et ça, c'est avec kathrat al-ittala, kathrat al-qira'a, ça vient ces choses-là. Hada wallahu ta'ala a'lam. Al-yawm, na'khud, insha'Allah ta'ala, un nouveau qisq. Qala, al-imam al-bayquni, rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma qallat rijaluhu ala, wa dhidduhu dhaka alladhi qad nazala. Al-Ali ou Al-Nazil. Et vous allez voir que ce bab, tu ne vas pas se taffer de hukm al-hadith, lakin c'est par rapport au, entre guillemets, la longueur du isnad, ou le nombre de rapporteurs. Al-Ali ou Al-Nazil. Al-Ali, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ali. Al-Nazil, مثلاً, في موطا, Al-Imam Malik, on a déjà cité l'exemple beaucoup, et بعضهم يسيت كسي الإسناد لبلوز أوتنتيك كما ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في الموقظة يسيت صح الأسانيد بارمي سي أسانيد يسيت مالك عن نافع عن ابن عمر سي عالي جدا الموطى لمن مالك تبقى كما سيسي لأن لمن مالك سلوي المؤلف تبقى بعد حدثنا مالك لا سلم مالك دي حدثني نافع Ali ibn Omar, Ali ibn Omar, c'est Ali Jiddan. Entre lui et Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ils sont que deux. C'est ça l'ulu. Et ça, c'est Mohim Jiddan. L'imada, il y en a plus le isnad il est court, plus il y a des possibilités qu'il soit sahih. Plus le isnad il est long, plus il y a des possibilités que l'isnad soit daif. Il y en a Fulan, il faut regarder. Après Fulan, il faut regarder. Fulan, il faut regarder. Est-ce qu'il n'y a pas une illa? Est-ce qu'il a entendu? Surtout, si tu analyses bien, l'imam Malik, c'est le mu'allif, il est connu. T'as pas de problème? Ibn Omar, t'as pas de problème sans sahabi, il reste que Nafi'a. Nafi'a, c'est min athbat al-nas, bel c'est athbat al-nas Ibn Omar. Donc t'as aucun problème. C'est pour ça que le Bukhari, c'est souvent hada. Lakin entre Malik et le Bukhari, ils sont deux. Fali hada, le Bukhari, tu vas avoir un rajoul. L'imam Bukhari, il est là. Un rajoul, Malik, Nafi'a, Ibn Omar. Tu vois que tu descends. C'est ça le nazil. Si tu prends Al-Bayhaqi, rahimahullah, son kitab, ma'rouf, Aïnaho, on lit un exemple. Il est nazil jitten. Si tu prends un exemple, l'imam al-Bayhaqi fi sunan, ta'lamoun anna l'imam al-Bayhaqi, rahmatullah alayhi, il est muta'akhir. Il est bien après. Il est bien après al-Bukhari. Il est après muslim. Il est mort en 458, rahmatullah alayhi. Il est nazil. Kadalik al-Tabarani. ces trois livres, Al-Mu'jam, Al-Kabir, Al-Mutawassit, Al-Sawin, c'est des imams, ils sont venus bien après. Ils ont des asanid ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est tawil. C'est ce qu'on appelle Al-Nadil. Mathalan, on va essayer de trouver un had plus long. On cite un isnad, qala akhbarana Abu Abdillah al-Hafid. Qala akhbarana Abu al-Abbas, Muhammad ibn Ya'qub. T'en as déjà deux. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Hakam. Qala akhbarana ibn Wahb. Qala akhbarani Jarir ibn Hazim. قال عن سليمان ابن مهران عن أبي الضبيان عن ابن عباس تاوي رجال تغاغب ابن عباس ثم ابن عباس يسيت حديث ابن عباس tout ça pour vous montrer النازل الآن النازل ça va demander beaucoup plus d'efforts beaucoup plus de recherches plus il y a de رجال dans l'isnad plus il y a des recherches vous avez compris هذا النازل هو العالي والعلماء العلماء الحديث يزعم بكو الحديث العالي. On vous lit certains kalams. Il les a cités. أخونا الشيخ حسين حفظه الله. Il a cité أن العلماء يزعم بكو العالي. والسبب c'est ce qu'on a expliqué. أن c'est beaucoup plus sûr qu'un حديث نازل. قال. Il cite parmi les exemples. أولا il cite l'importance du إسناد. Et parmi les آثار qui montrent هذا. قول ابن المبارك رحمة الله عليه الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء أولا العلماء الأئمة يدوني بكو دمبورتانس وأسانيد كسو عالي أو نازل لأن الإسناد من الدين سو إسناد سي بسببه الله سبحانه وتعالى إلا بخزغفي سو الدين بيان سور الله سبحانه وتعالى إلا وفق دي رجال أئمة avec leurs efforts بعد توفيق الله عز وجل ils nous ont préservé cette sunna بإذن الله tout ça c'est l'isnad ما بالوك يغفى تسانيد كما قال ابن المبارك لقال من شاء ما شاء t'aurais pas pu vérifier c'est exactement ce qui s'est passé في دين اليهود والنصارى بعض الناس qui avaient du bourd par rapport au دين ils ont حارب دين اليهود والدين النصارى حتى ils les ont déformés الآن c'est devenu des أديان كفرية C'est des mouchrikoun. نحن ولله الحمد cette ni'ma on a des asanid, chaîne de transmission. Celui qui parle dans notre din, il doit parler bi hujja. Il a un délil, on l'accepte. Il n'a pas de délil, son qawl il est rejeté. Ka'inan man ka. Qala wa qala ibn Uyayna. L'imam Soufyan, Abu Muhammad, rahmatullah alayhi. Qala haddathu zuhri yawman bi hadith. Faqult hatuh bila isnad. تستفيد أن الزهري من مشايخ سفيان ابن عيينة بكو دون الأسانيد حدثنا سفيان عن الزهري قال الزهري معروف محمد ابن مسلم قال فقلت هاته بلا إسناد أجو الزهري إلى ستة حديث سفيان ابن عيينة يؤدي دمنس حديث سانز إسناد قال الإمام الزهري أترقى السطح بلا سلم Est-ce que tu vas monter sur le toit d'une maison sans sulam, sans escalier, tu peux pas. Tu es obligé pour monter de passer par les escaliers. Hakad al-hadith. Lena, si tu prends son isnad, t'as pas d'isnad, robbama tu lis le hadith, et là t'as stafid min. Robbama il est daif, il est munkar, il est mawdou'. Qala, wa qala al-thawri, ay Soufyan, al-isnadu silahul mu'min. C'est un silah qui va te permettre de savoir, de connaître ton din, de connaître al-ahkam, de connaître al-hujjah, et de meyiz, de faire la différence entre sahih et dhaif. Amma bila isnad, ça ouvre les portes de l'bida' ou al-khurafat. Al-an, les maladies qu'ils ont touchées à l'umma, que ce soit l'bida' ou al-khurafat, bien sûr al-jahl, et tous ces groupes, al-hizbiyya, tout ça c'est min hada al-bab. Annahum, pas de hujja, ou ils utilisent des hadiths dhaifa, ils donnent pas d'importance à ce ilm, et ils reviennent pas à imma al-hadith, كل واحد إلى بيسا بدعة إما بك حد ضعيف إما بك الهواء هذا سسا كفل الديفيزيون ثم إلى السيدة طلب العلو طلب العلو الحديث العالي كنا بفوغ الآن أي بعض العلماء يفز بوكو دي فوغ يغشخش العلو أي دي حديث أو دي أسانيد كور دي أسانيد كور هذا ست معروف عند السلف يفز دي زفوغ قال إلى غابورتي قال الإمام أحمد رحمة الله عليه طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف سنة السلف أنهم يفزوا des efforts pour trouver des hadiths avec des sanides عالية وقيل لابن معين في مرض موته, وابن معين تعلمون يحيى رحمة الله عليه c'est من أئمة السنة, il était à l'époque de l'imam Ahmed. La maladie qui a été la conséquence de sa mort, رحمة الله عليه, il était à l'infirage, il était malade, c'était les derniers instants. Ils lui ont demandé ma tashtahi, qu'est-ce que tu espères الآن؟ قال رحمة الله عليه بيت خالي, sont la chose qu'il voulait à ce moment, baytun khali, est tout seul dans un bayt, wa isnadun ali. Ça montre qu'ils aimaient tellement hada al-ilm que ta'ammal wa asma, c'était quoi ça, une de ses dernières envies, être tout seul dans un bayt avec un isnad ali, comme ça il étudie ce isnad wa istafid. Et il a cité des autres choses, lakin hada yakfi. Il a cité un mithal كذلك عن البخاري. حتى البخاري لا سكون أبلا الثلاثيات الرباعيات ثلاثيات سي 3 personnes dans l'isnad, الرباعيات 4 معروف الإمام البخاري لا سيغتا الإمام مسلم un peu moins لأنه il est après البخاري un peu. L'exemple qu'il a cité, قال البخاري رحمة الله عليه في الصحيح حدثنا أبو عاصم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. هذا لعالي أبو عاصم يزيد سلمة ابن الأكوع صحابي, هذا لعالي. العلو tu le trouves beaucoup في الموطأ, موطأ مالك, لأن الإمام مالك il a pris directement des élèves de الصحابة. الإمام مسلم il a rapporté le même hadith لكن avec un isnad moins Ali, il y a plus de narrateurs. رواه المسلم قال من طريق محمد بن عباد عن حاتم ابن إسماعيل عن يزيد. البخاري son isnad il est plus Ali, et ça c'est معروف لأن البخاري il était un peu avant l'imam مسلم. الآن نقرأ الكلام إن شاء الله ça va être واضح avec cette explication. قال حفظه الله الشارح قال عرف الناظم في هذا البيت العالي والنازل من الحديث كما ترى, والعالي من الحديث هو كل حديث قال رجال قل أي من القلة سبيان قليل, قل رجال إسناده وهو قسمان, قال الأول مطلق وهو ما قال أو ما قل رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فإن جمع مع ذلك صحة إسناده كان الغاية القصوى وإلا فصورة العلو موجودة فيه. إلى عالي أي y a pas beaucoup de narrateurs dans la chaîne de transmission et il est sahih, et ça c'est comme قال c'est la غاية, c'est le but. C'est ce que espère chaque muhaddith. Et c'était ce qu'il voulait Yahya ibn Ma'in, rahmatullah alayhi. Al-thani nisbi, wa huwa ma qalla fihi ruwat sanadih ila jiha ka imam min al-a'imma. Wa in kana al-adad min dhalika al-imam la muntaha kathir. N'am. Il peut être ali nisbi, ay une partie du isnad, faqat. Kama qal huna, من كإمام من الأئمة وهو ما قل فيه رواة سنده إلى جهة كإمام من أئمة من الأئمة وإن كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرة. Mais ça vous verrez plus de détails dans les autres كتب. أما نحن ce qu'on a expliqué إنشاءالله يكفي. قال نعم السخاوي بقول العلو هو قلة الوسائط في السند. ça c'est un تعريف طيب. قلة الوسائط في السند. Il n'y a pas beaucoup de rapporteurs. Ulu mutlaq wa huwa ma fi qurb min hayt al-adad min rasulillah. Na'am, wa thani ulu nisbi wa huwa qismu al-qurb ila imam min a'immat al-hadith. Dhi sifatin 'aliyyah min al-hifdh. Min hifdh wa fiqh wa dhabt kal A'mash wa Ibn Jurayl wal Awza'i wa Shu'bah wa Thawri wal Layth wa Malik wa Ibn Uyaynah wa Hushaym wa ghayrihim. قال الشيخ حفظه الله وفائدة العلو قلة احتمال الخطأ فيه. Et ça on l'a cité. Ça c'est une faïda azim. Et c'est pour ça que l'ulama, l'a'imma, ils espéraient trouver des hadiths avec des asanides aliyah. Les recherches elles sont moins longues. Il y a beaucoup moins de possibilités qu'il est ضعيف, qu'il y a des ilal. قال لأن كل راو من رواته يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا وعمدا. نعم. فلهذا أسانيد الطبراني أسانيد البيهقي tu trouves beaucoup plus de ضعف que أسانيد الإمام مالك أو البخاري أو مسلم لا شك هذا لأن الشك الرابورتور il est pas معصوم il peut faire une erreur كما قال سهوا أي involontairement أو عمدا أو volontairement لهذا ça demande beaucoup plus d'effort قال ففي قلتهم قلة جهات الخلل وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل Ça c'est Al-Ali Taqaddam, on a cité l'exemple de l'imam Bukhari, on a cité l'exemple de l'imam Malik. قال والنازل على العكس من تعريف العالي وهو ما كثر رجال إسناده سواء كان مطلقا كانه أم مطلقا أم نسبيا سقط قال وفضل بعضهم النزول بأمر خارج عن محل جهات التفضيل كما نبه على ذلك الحافظ في النزهة إن شاء الله dans les prochains livres أما الآن الخلاصة أن لا شك أن العالي فأفضل بعضهم إذا فضل النزول من جهة أخرى dans les prochains livres قال راجع المقدمة والنزهة إلى آخر قال ويحكم على العالي النازل بحسب الحال Ça, c'est le hukm. Ça ne veut pas dire que Al-Ali, il est forcément sahih. Là, tu peux avoir, ils sont que trois, et ce rapporteur, il est waif. Les ulama, ils diront, tu peux avoir Nazil, et c'est A'imma, Thiqa, et Tassal, il y a tous les shurut, il est sahih. Lakin, ce qu'on a dit, c'est, min hayt al-fa'ida fil ghalib, celui-là, il y a beaucoup moins d'erreurs que celui-là. C'est normal, il y a moins de rapporteurs. Hada faqat. Amma al-hukm, c'est par rapport à dirasat al-isnad avec les shurut qu'on a vu, on a répété plusieurs fois. Hada wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.